Chapitre 21. Après le souper, où le comte se montra encore plus enjoué et plus affectueux pour son fils que dans la journée, Maximilien invita gravement Évrard à le suivre dans son appartement. Le jeune homme, l'esprit troublé et le cœur palpitant, obéit à l'ordre de son père. Quand ils furent tous deux dans la chambre rouge, Maximilien désigna à son fils un fauteuil où le jeune homme s'assit en silence. Pour lui, il se mit à marcher à grands pas de la fenêtre à la porte secrète, observant à la dérobée cet Évrard à qui, jusque-là, il avait montré si peu l'affection d'un père. Presque intimidé par ce front candide et ce regard ingénu, il cherchait évidemment des mots pour entrer en matière. Enfin, il crut faire merveille en prenant le ton gourmé et l'air solennel qu'il employait avec succès dans les relations diplomatiques. « Évrard, dit-il en s'asseyant vis-à-vis de son fils, permettez, je vous prie, au père de s'effacer un instant et de laisser la parole à l'homme d'État, à un des chargés du destin d'un grand empire. » Vous êtes appelé à remplir à mes côtés, Évrard, la place que laisse vide la mort de votre frère. Vous gouvernerez aussi un jour à votre rang les peuples et les idées, mon fils. Mais vous devez sentir, en acceptant une si glorieuse et si périlleuse mission, quel rude devoir cette destinée vous impose. Il faut vous dépouiller de vos passions et de votre personnalité. Il faut vous dire que vous ne vivrez plus pour vous, mais pour tous. Il faut, dans votre abnégation sublime, renoncer à vos désirs, à vos inclinations, à votre orgueil même, et vous mettre au-dessus des conventions sociales, au-dessus du bien et du mal, des systèmes et des préjugés, au-dessus de toutes les choses humaines, en un mot, afin de mener impartialement, comme Dieu, si j'ose le dire, mène le monde et l'univers, la grande nation dont vous serez responsable pour la part de son administration qui vous aura été dévolue. Satisfait de ce majestueux exorde, le comte fit une pause pour en saisir l'effet sur le visage de son auditeur. Évrard semblait attentif, mais non émerveillé, et son attitude pouvait révéler aussi bien l'ennui que le respect. Vous avez dû méditer sur ces graves sujets, et vous partagez sans doute mon opinion là-dessus, Évrard, demanda Maximilien un peu inquiet de ce silence obstiné. Je suis en effet de votre avis, mon père, répondit le jeune homme en s'inclinant. Et j'admire de tout mon cœur ceux qui comprennent si bien leur dignité. Mais je pense, et vous pensez comme moi à coup sûr, qu'en sacrifiant ses penchants, ses inclinations, son bonheur même, on doit maintenir les droits de sa conscience, et qu'en faisant abnégation de la vanité, on fait réserve de son honneur. « Movide que tout cela, jeune homme !» reprit le comte avec un sourire dédaigneux. Distinction subtile, dont vous ne tarderez point à reconnaître le néant. Ayez le cœur plus grand et l'âme plus forte. Je ne sais pas, mon père, reprit Évrard, si les mots vertu et probité sont pour quelques-uns et à une certaine hauteur des paroles vides. Mais pour moi, dans mon humble retraite, ce sont des sentiments et des instincts auxquels je tiens comme à ma vie. Et je dirais même plus qu'à ma vie. Or, permettez-moi de vous le dire ici, monseigneur, j'ai peur que vous n'ayez faussement conçu de moi de trop flatteuses espérances. Il faut penser qu'après tout, je ne suis qu'un paysan lettré, un enfant sauvage de ces bois et de ces montagnes, et que j'aurai bien de la peine à me faire aux théories et aux usages de la société. Je pourrais bien, sans trop de désavantages, me montrer un instant dans le monde. Mais y vivre habituellement et m'y conduire sans gaucherie, ce serait, je le crois, chose impossible. Je me connais et depuis ce matin j'ai beaucoup réfléchi. Habitué à l'air de mes forêts, j'étoufferai entre les murailles des villes. Fait à la vérité et à la liberté, je mourrai bientôt dans l'intrigue et la dépendance. J'aurai des indignations et des révoltes qui me perdraient et vous compromettraient peut-être, mon père. Je vous en prie, monseigneur, renoncez donc pour moi à des projets si brillants et, puisque vous n'avez que mon bonheur en vue, retournez seul à la cour et laissez-moi à mes champs. Je n'ai pas en vue votre bonheur seulement, Évrard, reprit le comte d'un ton où perçait déjà la sévérité, mais sans se laisser aller encore à la colère qui commençait à s'agiter sourdement au fond de son cœur. J'ai en vue aussi la gloire et la fortune de notre maison, dont vous êtes malheureusement à cette heure le dernier héritier. Eh, mon Dieu, moi aussi autrefois j'aurais mieux aimé courir et chasser sur mes domaines que de m'atteler aux joues des affaires publiques. Mais on ne s'appelle point Epstein impunément. Mon père m'a contraint au sacrifice de mes goûts et je l'en remercie à cette heure, comme vous m'en remercierez un jour. J'ai dompté et mes penchants d'oisiveté et mes habitudes violentes, car j'étais autrefois aussi emporté et aussi farouche que vous me voyez aujourd'hui modéré et patient, mon fils. Il faudrait cependant ne pas trop me résister, Évrard, et il serait dangereux de me pousser à bout, surtout dans ma famille, où je me considère comme chef et juge suprême. Le vieil homme parfois se réveille, et sachez que mon courroux est terrible. L'orage grondait. La parole du comte devenait sourde et brève. Il reprit néanmoins avec plus de douceur. « Ce n'est pas d'ailleurs avec vous, Évrard, que j'ai besoin d'user de menaces, je l'espère. Vous céderez à mes exhortations paternelles, et pour vous faire entendre raison, je n'aurai qu'un mot à vous dire. Évrard, mon enfant, j'ai besoin de vous. »« Quoi, mon père ? » s'écria Évrard, emporté par la naïveté de son cœur et touché de la naïve bonhomie avec laquelle le courtisan avait prononcé ces paroles. « Quoi ? Vous pourriez avoir besoin de moi ?» Cette expression d'un sentiment dévoué n'échappa point à Maximilien. Il résolut d'en profiter. « C'est-à-dire, reprit-il en posant sa main sur celle de son fils, « c'est-à-dire, Évrard, que vous m'êtes nécessaire. Vous ne savez pas ce que c'est que ce terrain glissant des cours et quelles intrigues éternelles nous repoussent en arrière. Eh bien, il y a 2 mois, une de ces intrigues m'avait mise à 2 doigts de ma perte. Le dévouement de votre frère allait me sauver quand Dieu me l'a repris. Alors, Évrard, moi, qui vous avais oublié, mon pauvre enfant, j'ai pensé à vous et je suis revenu à vous. Dites, mon père, dites, s'écria Évrard avec effusion, et je ferai ce qu'aurait fait mon frère. Oui, vous le ferez, Évrard, répondit Maximilien, car vous comprendrez que les hommes appelés par leur naissance aux fonctions suprêmes de l'État doivent payer cette gloire par une abnégation complète et n'obtenir leur douloureuse dignité que par bien des sacrifices et bien des épreuves. Le noviciat des honneurs est rude et pénible, Évrard. Il faut acheter ses titres par bien des sollicitudes, bien des dégoûts, bien des nuits sans sommeil, bien des jours sans loisirs. Les princes et leurs ministres, quelquefois par caprice, il faut l'avouer, plus souvent pour nous éprouver, nous impose des conditions difficiles. Mais le but est si lumineux, si beau, si grand, reprit le comte avec enthousiasme, que nous oublions les difficultés semées sur la route. Cette fois, le diplomate avait manqué son effet. À la peinture de l'ambitieux, Évrard avait repris son sang-froid. Il songeait aux moyens d'éluder les terribles offres de son père. Celui-ci prit sa rêverie pour de l'attention et continua. « Eh bien, mon fils, tandis que de nombreux obstacles s'offrent à qui veut arriver. Toi, en te jouant, toi, pendant ton sommeil, tu te trouves porté au terme que 20 autres ne peuvent atteindre après 20 ans d'efforts. Le tout dépend pour toi d'une formalité, d'une misère, d'un acte insignifiant. Il s'agit tout simplement de te marier. « Me marier, moi ? » s'écria Évrard. « Me marier ? Que dites-vous là, mon père ?»« Oui, je comprends que tu es un peu jeune, mais cela n'y fait rien. Voyons, écoute-moi jusqu'au bout, » reprit le comte, répondant à un mouvement d'effroi d'Évrard. « Tu t'étonneras après, si tu veux, mais ce sera de ton bonheur, j'en réponds. Le mariage que je te propose, Évrard, ton pauvre frère était sur le point de le conclure quand je l'ai perdu. Alors j'ai pensé à toi, car vois-tu, ce mariage, c'est un avenir magnifique, c'est un bonheur inespéré, c'est un chemin aplani qui te mène près du trône, et je dirais plus, Évrard, au trône même, si la réalité du pouvoir a autant de valeur que ses apparences. Eh bien, tu te tais. « Et quoi ? Cet avenir ne t'éblouit pas ? Mon père, je vous le dis, ce n'est point là qu'était mon rêve. »« Diable ! Mais où était-il donc ? Eh bien, Évrard, ce rêve que tu méprises a été le rêve de toute la cour. Les plus nobles seigneurs se sont disputés la gloire de devenir l'époux de la duchesse de B. Mais au nom d'Epstein, tous ont compris qu'il fallait faire place. » Et tous se sont écartés. Et quelle est donc cette duchesse de B dont je n'ai jamais entendu prononcer le nom, dit Évrard, et à qui il faut l'héritier d'une des plus vieilles maisons d'Allemagne? La duchesse de B, Évrard, c'est tout et ce n'est rien. C'est une simple femme sans nom, oui, puisqu'on lui a créé un duché. Mais c'est la véritable impératrice. « Comprends-tu, Évrard, ce que pourra pour lui et pour sa famille l'homme assez heureux pour devenir le mari de cette femme ?»« Non, mon père, non, » répondit Évrard, « je ne comprends pas bien. »« Comment ? Tu ne comprends pas que cette femme est libre et que, pour sauver les convenances, il faut que cette femme soit mariée ?»« Eh bien, le mari de cette femme pourra tout vouloir et tout donner. » Sa grandeur et celle de sa famille deviendra une nécessité d'État. Regarde les choses de ce fait social, Évrard, et réponds si la tête ne te tourne pas. « Sur quoi, monseigneur, faut-il que je réponde ? » demanda Évrard. « Mais sur ma proposition, probablement. »« Quelle proposition ? » ?»« Eh, pardieu, sur cette proposition de mariage !» « Est-ce de l'affectation ou de la niaiserie ?»« Ni l'une ni l'autre, monseigneur. C'est de la stupéfaction. »« Quoi ? Vous, comte d'Epstein, vous proposez à votre fils ? Oh, mais pardon, mon père, c'est une épreuve ou une raillerie. Vous ne m'avez point parlé sérieusement, n'est-ce pas ?»« Évrard, Évrard !» dit le comte, les dents serrées. « Non, monseigneur. » Continua Évrard sans l'entendre. « Non, je ne vous crois pas. Vous aimez les titres, les honneurs plus que la gloire. Cela me semble étrange. Pourtant, je le conçois encore. Mais spéculer sur vos aïeux, vendre le nom que porteront vos enfants, c'est plus d'ignominie que je n'en puis comprendre. Et ce n'est pas vous, Maximilien d'Epstein, qui me demandez une pareille chose. Que vous m'excitiez à devenir ambitieux, soit, mais me faire infâme, vous ne le voudriez pas. » « Misérable ! » s'écria le comte pâlissant de fureur. « Non, pas misérable, mais fou de mettre à ce point mépris sur vos intentions, mon noble père. Oh, pardonnez-moi, que voulez-vous ? Il ne faut pas se trop reposer sur ma pénétration. Je prends tout sottement à la lettre et je commets d'étranges bévues. Je vous disais bien, monseigneur, que vous feriez mieux de me laisser ici, dans mon coin, et de poursuivre seul vos grands desseins. Vous voyez bien que je ne suis bon à rien, moi. Parce que je comprends 2 ou 3 langues, je ne saurais pas parler celle de la cour. Abandonnez-moi, monseigneur. retournez sans moi à Vienne, et ne me forcez pas, je vous prie, à quitter ce pauvre village où j'ai renfermé mon ambition et mes vœux. » Depuis quelques instants, le comte, au milieu de sa colère, observait, frappé d'une idée subite, le visage d'Evrard. Enfin, il parut prendre une résolution. « Si pourtant vous ne vous étiez pas trompé, Evrard, lui dit-il, si ce projet de mariage n'était pas une simple supposition, mais un fait, vous résisteriez donc ?»« Oui, monseigneur, répondit fermement le jeune homme. « Seulement, je commencerai par vous conjurer, par vous dire, mon père, au nom du ciel, et il avait sur les lèvres, au nom de ma mère, mais sans savoir pourquoi, il n'avait pas osé rappeler ce souvenir. Ne me contraignez pas à la honte. Cette abjection de votre fils unique ne peut vous rendre aussi heureux qu'elle me rendrait misérable. Mon père, prenez ma vie si vous en avez besoin, mais épargnez ma conscience. » Et si vous persistiez dans votre volonté, monseigneur, je relèverais la tête et je vous dirais, comte d'Epstein, de quel droit venez-vous me demander mon honneur? Ma vie est à vous, peut-être, mais ma vertu, non pas. Et parce que je porte un des plus fiers et des plus nobles noms de l'Allemagne, vous ne me mettrez pas, s'il vous plaît, au-dessous du dernier des artisans auquel sa femme se donne au moins tout entière. Je vous désobéirai, monseigneur. Evrard parlait avec la chaleur de la passion. Le comte le tenait sous son regard froid et pénétrant et souriait. Quand le jeune homme eut fini, il lui prit la main, et avec un contentement qui paraissait sincère tant il était bien joué, « Bien, Evrard, dit-il, très bien. Viens ça, mon cher fils, que je t'embrasse, et pardonne-moi d'avoir douté de toi, cœur loyal. » Mais je ne te connais que d'aujourd'hui, après tout. Tu me rends le plus heureux des pères, mon noble enfant, car je vois à présent que tu es digne de celle que je te destine, de la plus pure et de la plus charmante fille de Vienne. Elle sera, toi, mon Evrard, oui, l'une des plus riches et des plus nobles héritières de l'Autriche, un trésor de chasteté et de beauté. Lucille de Gansberg sera ta femme. » Le comte Maximilien venait de nommer à Evrard celle dont Rosemonde lui avait parlé 100 fois. « Quoi, mon père ? » s'écria le jeune homme anéanti. « Quoi ? Lucille de Gansberg, cette belle et chaste jeune fille ?»« C'est chose convenue, tu l'épouses dans 1 mois. Ton honneur n'a aucune objection à faire contre cette union, je suppose. » « J'ai su même dans ma solitude, » dit Evrard en baissant les yeux, que Lucille de Gansberg est le parti le plus enviable et le plus envié de l'Allemagne. « Eh bien, Evrard, dit le comte, j'attends tes remerciements. Une femme pure, une épée sans tache, ce sont 2 beaux présents et qui valent bien un merci. » « Oui, mon père, je vous remercie, » dit Evrard en baisant la main que lui tendait Maximilien. « Oui, vous êtes le meilleur et le plus prévoyant des pères. Je ne sais en quels termes vous exprimez toute la reconnaissance dont je suis pénétré. Mais je ne puis, je n'ose, je ne saurais aimer ni épouser Lucille de Gansberg. »« Voilà, je vous tiens à présent, mon jeune maître !» s'écria d'une voix terrible et en se levant le comte Maximilien, dont les yeux flamboyèrent. « Ah ah ! Profond hypocrite, vous êtes donc tombé dans le piège. Je vous trouve vraiment adorable. Ce n'est donc pas l'honneur qui vous empêchait d'épouser la femme que je vous destinais, hein? Ce n'était pas la femme, mais simplement le mariage qui vous répugnait. Quel est donc le bel amour caché là-dessous, s'il vous plaît? » La comédie tournait au drame. Evrard, pâle et tremblant, n'avait pas la force de prononcer une syllabe. Le comte lui mit la main sur l'épaule, une main qui lui sembla de plomb, et d'une voix brève et impérieuse, lui dit entre ses dents. « Écoute, cher fils, maintenant je ne demande pas, j'ordonne, je ne dis pas « veux-tu », je dis « je veux ». Le prince a ma parole, le mariage est annoncé. N'étaient mes 50 ans Je me passerai bien de toi, niais révolté. Mais il faut quelqu'un de jeune. Tu es mon fils et je te prends. Oh, pas un mot, car si j'approfondis la cause de tes refus, dont le soupçon seul me met en fureur, prends-y garde, je suis à craindre quand on me pousse à bout. Tu veux, je crois, balbutier quelque chose? Tais-toi, je te le conseille, et baisse les yeux. Crois-moi, il y a des souvenirs qui m'exaspèrent plus qu'ils ne m'effraient, mais vraiment, je finis par avoir pitié de toi et peur de moi. Sors, et je te donne jusqu'à demain pour réfléchir. Sors, te dis-je, en toute hâte. À demain, et plaise à Dieu que la nuit te soit une bonne conseillère, car, songe-y, ton père injurié serait un juge implacable. Et le comte, pâle et tremblant, montrait du doigt la porte à Évrard. La colère de cet homme était vraiment hideuse. Il frappait du pied, il tremblait de rage, l'écume jaillissait de sa bouche. Troublé par ce courroux terrible, vaincu par l'ascendant de la paternité, et convaincu d'ailleurs qu'il n'obtiendrait rien d'un emportement sourd et aveugle, Évrard sortit en chancelant. Tout cela se passait la veille de la nuit de Noël.